Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, l'actualité de la loi de finances 2023, ce qui change au 1er janvier. La première actualité de la loi de finances 2023 est bien entendu, comme presque chaque année, la revalorisation du taux horaire du SMIC. Le principe de revalorisation annuelle a porté le montant du SMIC à 11,27 euros brut de l'heure, soit 1 709 euros brut mensuel au 1er janvier 2023, soit une augmentation de 1,81%. Ensuite, il y a la mise en place de l'indemnité carburant. Cette indemnité carburant de 100 euros, destinée à limiter les effets de la hausse des coûts du carburant pour les actifs utilisant un véhicule à des fins professionnelles, est donc créée. Alors, pour être éligible au versement de cette indemnité, les demandeurs doivent appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de l'année 2021 est inférieur ou égal à 14 700 euros. Et cette demande doit être formulée au titre d'un véhicule à 2, 3 ou 4 roues qui est utilisé à des fins professionnelles incluant les trajets domicile-travail et régulièrement assuré à la date de la demande. À noter qu'un demandeur ne peut bénéficier que d'une seule indemnité et un même véhicule ne peut pas donner lieu également au versement de plusieurs indemnités. Ce qui est important à savoir, c'est que la demande d'indemnité doit être formulée entre le 16 janvier 2023 et le 28 février 2023 par voie dématérialisée à l'aide d'un formulaire qui est mis à disposition. Ensuite, il y a plusieurs aides financières qui vont être débloquées dès 2023, notamment la création d'un chèque bois. En effet, un chèque énergie est adressé aux ménages utilisant le bois comme mode de chauffage principal, dont le revenu fiscal de référence annuel est inférieur à 27 500 euros. Les ménages éligibles doivent également déposer une demande du chèque énergie auprès de l'Agence des services et des paiements sur le portail mis en place par cette dernière, et ce, au plus tard, le 30 avril 2023. Il y a également une aide financière pour le covoiturage. En effet, le plan covoiturage quotidien lancé par le gouvernement prévoit la mise en place d'une prime de 100 euros également pour les conducteurs novices dans le partage de trajets courte distance. Cela se fera via la plateforme de covoiturage sur lesquelles les trajets ont été réalisés. Alors, cela est prévu pour pallier l'augmentation des prix à la consommation et elle sera versée sous condition, bien entendu, dès le 1er janvier sous la forme d'un versement progressif avec un premier versement de 25 euros effectué au plus tard 3 mois après le premier trajet, et enfin un second de 75 euros effectué au plus tard 3 mois après la réalisation du 10e trajet de covoiturage. Ensuite, il y a plusieurs mesures écologiques mises en place. Depuis le 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles et assiettes, dans des choses sont réemployables. En effet, on ne peut plus avoir de la vaisselle jetable, vous avez dû le remarquer. En outre, depuis toujours le 1er janvier, sauf demande contraire du client, sont interdites l'impression et la distribution systématique de tickets de caisse, de tickets de carte bancaire, de tickets par des automates et enfin des tickets de bons d'achat et tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de. Ensuite, un tout autre sujet, depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale est supprimée pour tous les ménages. Et également, la redevance audiovisuelle qui a été supprimée définitivement en fin d'année 2022. Ensuite, il y a également la modification des critères d'un logement dit décent. En effet, un logement de l'habitat privé est qualifié d'énergétiquement décent lorsque sa consommation d'énergie, estimée donc par le diagnostic de performance énergétique, est exprimée en énergie finale par mètre carré de surface habitable, est inférieure à 450 kWh par mètre carré en France métropolitaine. Ainsi, les logements les plus énergivores, dont la consommation d'énergie dépasse cette valeur, ne pourront plus être proposés à la location. Il faudra donc faire les travaux nécessaires. Ensuite, la modification et la majoration du crédit d'impôt pour les gardes d'enfants. En effet, lorsque vous faites garder vos enfants de moins de 6 ans, les dépenses effectivement supportées à ce titre ouvrent droit à un crédit d'impôt, imputable sur l'impôt sur le revenu. La loi de finances porte le plafond de ce crédit d'impôt maximum versé en 2023 de 1150 euros à 1750 euros par enfant. À savoir que pour les impôts 2022, les enfants concernés sont ceux nés entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2022. Ensuite, depuis le 1er janvier 2023, le taux de rémunération du plan d'épargne logement est passé de 1 à 2%. Ce taux de 2%, et c'est important, s'applique aux PEL ouverts en 2023 et ne concerne donc pas les PEL existants. Ensuite, concernant le prélèvement à la source, depuis le 1er janvier, il y a eu un assouplissement. Le seuil d'écart permettant la modulation des prélèvements à la source est passé de 10 à 5%. Il est désormais plus facile, plus aisé pour un contribuable de réduire son taux de prélèvement à la source en cas, par exemple, de perte de revenus en cours d'année. Ensuite, chaque année, l'impôt sur le revenu est revalorisé en fonction de l'augmentation des prix à la consommation. La hausse équivalait pour l'année 2022 à 5,4%. Ce pourcentage doit être indexé et pris en compte pour l'impôt sur le revenu 2023. Les taux par défaut du prélèvement à la source seront donc ajustés en conséquence. Enfin, la dernière modification qui vient d'apparaître au 1er janvier est la gratuité du changement de nom. En effet, la publication au journal officiel des demandes de changement de nom est désormais gratuite. Elle coûtait jusque-là 110 euros. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.